Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Cifou pour la semaine du 10 au 16 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On va passer 3 heures ensemble. Salut, Steph. Salut, Matt. Oh oui, qu'on va avoir du plaisir à écouter ce top 40 des meilleures chansons de Cifou. Sans aucun doute. Oui. D'ici la fin de l'émission, on va savoir évidemment si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone The Royal We et Siren Song. Et du côté francophone, Squelette de bois de Jacques Maure. On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis. On va avoir Palmerston in Peace. Ailleurs dans les Palmarès, c'était fou. Hey, du bon contenu. Tout est là, tout le temps dans le même ordre. Sauf que là, je ne l'ai pas annoncé dans le même ordre. C'est pas dans l'ordre ce que je viens de dire. Là. Ah, mais ça, c'est comme un jeu. C'est Charivari, mais Chari... Varie pas tant que ça parce que c'est pareil. C'est ça? Oh, ouais. Cool! On va débuter avec les nouvelles entrées. Cette semaine, on a une trollée, vraiment. J'en compte genre 6 du côté anglophone et 3 du côté franco. Plus tard, il y aura Marc-Antoine Larche, Doug Wave, Pine Tarts, Ballader, Dear Criminals, Lederhosen, Lucille and Krista Muir, The Pack 80, ainsi que Piff Paff Hangover. Oh. Es-tu soufflé? Voyons, veux-tu commencer à fumer? Bon, on commence du côté francophone en 20e place. C'est Palais de Mélamine de Mardi Noir. Oh, palmarès, c'est fou, ça me rappelle les vieux meubles chez... En fait, les vieilles armoires, mélamine. Oui, il y a des meubles en mélamine. Mais tout ce qui est, moi, j'imagine de la mélamine, j'imagine tout ce qui est autour étant comme rose et mauve pastel style. Ça va ensemble, mélamine et ça. OK. Ouais. Des petits lapins. C'est mieux. Ah, mais c'est Pâques qui s'en vient, là. Ah! Moins de 6 mois, certains. On sait jamais c'est quand Pâques. Parce non. Qu'on s'en sac, tu sais. Mais chocolat en spécial après. Puis on a congé. C'est vrai. Take care! not to wake him up on the prowl. We play pong in the basement with the last of a keystones in the dark now. Crazy kids in love. De Pif Paf Hangover. Pif Paf, lendemain veille, nouvelle entrée en 20e place anglophone. Pif Paf, tu traduis pas ça en français? Ben, je pense que si Pretzel, c'est Bretzel en français, j'imagine que ce serait donc Bif Baf, lendemain veille. Ah, non? Ben oui, une baffe. Oui. Ben baffe. Oui. Pif Baf. Et du côté francophone, c'était Palais de Mélamine de Mardi Noir. Miam, très bon bloc de 20e en nouvelles entrées. Je suis allé voir sur Pif Paf Hangover, sur leur site web pifpafhangover.com. Il me semblait que le nom me disait quelque chose. Ils ont participé au Mardi La Relève en 2010. Ben, en fait, eux appellent ça le concours émergent de Trois-Rivières 2010. Ils sont arrivés deuxième derrière Atomic Baobab cette année-là. Oh, ben ouais. C'est cool. Ouais, c'est normal, Atomic Baobab. C'est comme, c'est parce que ça torche. Des dieux. J'adore, par contre, ce que j'ai entendu de Pif Paf. Oui, j'ai adoré moi aussi. Dorénavant, ce sera notre petit surnom cute pour eux. C'est des gars de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Ensuite, 19e place maintenant, du côté anglophone, on les connaît bien, on les aime. C'est leur deuxième pièce de l'album Do Not Engage. C'est The Pack 80 avec Airborne. Et du côté francophone, on s'en va entendre Jambes de chien de Dog Wave. Oh! C'est très concept, tu sais, le titre de la toune. Je sais pas s'il y a chien dans tout leur titre de toune. Je sais pas, Dog Wave, il me semble qu'on est rendu au MP3 hein, en 2014. Ok, je pensais que c'était vague de chien. Non, peut-être. Jambes de chien, je me demande, on dit pas une patte d'habitude? Mais jambes de chien, c'est peut-être parce que le chien a arraché une patte à son maître, ben une jambe à son maître, fait que c'est comme devenu la jambe du chien. Elle lui appartient, c'est la jambe de chien, ouais. C'est bien logique, c'est pas mal assez fou, hein. On aime ça des... Ouais. Ouais, logique. Sens, ça se tient. Oh, on est solide. Ça se tient pas aussi bien que le maître du chien qui a plus de jambes. Oh, de mauvais goût. J'ai perdu le goût d'être un canard. Je suis devenu un canular. Yeah. 9. Nouvelle entrée. Katie et Airborne, nouvelle entrée en 19e position anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, c'était Jambes de chien de Dogwave. Jambes de chien! C'est comme viande à chien dans le temps des belles histoires, des petits pays de, d'en haut, des belles aventures, des. You know? Know what I mean? I know what you mean! C'est les belles histoires des pays d'en haut, je sais. Il me semble, en tout cas. Oui. Il me semble que. Mais je sais jamais si c'est en haut ou en bas. L'histoire des pays d'en bas. Non. Mais c'est parce que. Quand j'étais au secondaire, on avait des cours de musique, tu sais, puis on allait dans les cubicules se pratiquer avec des guillemets, mais on jouait juste quand le prof se mettait la face dans la vitre. Puis on faisait des jeux de rôle et ça s'appelait les belles histoires des pays d'en bas. OK. Donc je me mélange tout le temps entre les deux. Ah, d'accord. Je vois le genre. Mais viande à chien en même temps, c'est-tu là-dedans ou est-ce que c'était dans Jamais 2 sans 3, sans toi, je sais plus trop, là, l'émission avec Chose? Non, non, c'était. Tout mêlé, là. Avec Chose, là. Non, non, mais c'était dans. Jean Bessin. Ah, en tout cas. Peu importe, on n'est pas l'émission de référence culturelle sur les émissions de télévision des années 60 à aujourd'hui. Malheureusement, c'est seulement le top 40 des meilleures pièces. C'est fou, on ne peut pas demander mieux quand même. Hein? Il nous en reste beaucoup, vraiment beaucoup. 3, 4, 5, 5 nouvelles entrées encore à écouter. On commence par les 18e places. En anglophone, il y aura Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec leur deuxième extrait de l'album Guten Tag Gemini, c'est Two Vikings. Et du côté francophone, on s'en va Antoine. Ben, il s'appelle Marc-Antoine. Ah, c'est ça l'affaire. Donc, on s'en va Marc-Antoine l'arche, les courants d'air. Ouais, on l'arche pas. L'arche pas, ouais, la patate. Ouais, c'est ça. C'est les palmarès, c'est fou. Les patatres, c'est fou. Oh, miam. Oh. Oh, des patates. Des patates. Boum, petit patate, boum, petit patate. Je faisais la musique de... Death and go over. Dans ton lit trop grand, toi de côté, moi de l'autre. Entre nous, chaque étreinte est un risque de chute, et c'est moi qui veux tomber. Dur à la lune, j'ai les yeux ouverts, je ne dors pas, la nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles.

entrée. Young Summer, nouvelle entrée en 15e place anglophone. Et en... Oui. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En 16e, toujours du côté anglophone, c'était Pretty Face de Baladeur. Et on a débuté avec Dear Criminals et Took It From Me en position 17 anglophone. Voilà pour les nouvelles entrées, c'est tout. Déjà? Ça a pris juste 40 minutes environ pour entendre ces 3 du côté francophone et 6 du côté anglo, donc ça fait 9 nouvelles entrées. Et quand on accueille 9 nouvelles entrées, il faut dire au revoir à 9 autres pièces. Ah, hein? Ben, Palma, rest in peace! C'est plein d'émotions. Oh. Bye, bye. Bye. Bye. Bye. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. J'ai de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Et bien sûr, je préfère t'écrire. Adieu, tristesse, jamais tu ne me retiens. Je te laisse mon cœur et sourire en coin. Mais bien sûr, je préfère écrire que je suis avec. Des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 3 au 9 mars 2014. On a donc dit au revoir à Rouge Pompier, sa très courte pièce « Dédompter ton chien » qui est restée 8 semaines, donc elle est restée quand même plus longtemps. Elle est restée plus longtemps que la durée de sa pièce. Genre, et l'extrait dans le montage dure à peu près la durée de la pièce au complet. Ensuite, Grenadine et Bonjour Tristesse qui a duré quand même 6 semaines. Ensuite, on a dit au revoir à Virgo et Jour de Malentendre qui est resté 4 semaines. Triste pour cette formation locale. Ensuite, de Pac Eddy et Big Shot, un énorme 8 semaines. Ensuite, Lederhosen, Lucille et Christa Muir. Je l'ai laï, ça. Ouais, je sais. Il est revenu sur le palmarès avec la pièce Chicken on the Clock qui est restée un impressionnant 9 semaines. Suivi de About et Built It qui a duré un petit peu moins impressionnant 7 semaines, mais quand même. Ben, quand même, c'était super bon. Ensuite, Baladeur avec A Life Like This qui était excellent, c'est resté 7 semaines. Ensuite, Snowmantle Love, un très court 3 semaines pour la pièce All in the Name of Good Dancing. Mais bon, c'était pas pour tout le monde cette pièce-là, c'était tellement calme. Et finalement, on a dit au revoir à Dare Criminals, qui est déjà revenu sur le palmarès, et sa pièce Lover's Suicide, qui est restée cette semaine. Hey, je te dis que la plupart des choses auxquelles on a dit au revoir sont de retour, choses, groupes, formations, et toi, choses, groupes. Toi et choses. Mais bon, heureux de voir que c'était pas leur dernier mot. Bref. Ils n'ont pas chanté leur dernier mot. Voilà. Ah, tu sais, quand tu fais cette chronique-là chaque semaine, tu sais plus quoi dire. Donc, c'était Palmarès et Peace. On fait ça toutes les semaines pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Maintenant, on va sauter par-dessus les 17, 16 et 15 franco qui ne sont pas nouvelles. Donc, on aurait débuté le bloc avec Radio Radio et Hush Feels Who qui est là depuis 6 semaines. Ensuite, on a sauté par-dessus Merrily Bleu de Jimmy Hunt. C'est lui qui aura priorité parce qu'il y a seulement 3 semaines. Et finalement, la très vieille pièce d'Ariel, Vice étrange, stable en 15e position. On va aller aux 14e place. Tout à l'heure en anglophone, ce sera Haim qui descend de la 8e place, 7e semaine de présence pour The Wire. Mais on commence du côté francophone, ça monte de 5. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est Fais-moi mal de Simon Kearney. Au palmarès, c'est fou sur le 81 FM. Fais-moi mal. vite. Moi j'ai peur de rien. Haim yeah. et The Wire. Position numéro 14 du côté anglophone. Et du côté francophone, on a commencé le bloc avec « Fais-moi mal » de Simon Kearney. Mm-hmm. On saute par-dessus d'autres trucs parce qu'on doit terminer cette première heure dans les instants qui s'en viennent. On va écouter seulement une pièce et elle sera du côté anglophone. Mais disons de quoi on va... Qu'on saute en premier, c'est ça oui, que je voulais dire. Ben bon. Oui. Donc, du côté anglophone, on saute par-dessus Sexy Mathematics en 13e qui descend de 10 avec The New Illusion. Et en 12e, c'est Carnival de Mark Berube qui descend de 2 places. Du côté francophone, on saute par-dessus la 13e qui est stable, c'est Scaphandre de David et les Bois. Et on saute aussi par-dessus la 2e, sa montée de 2, c'est Perle rare d'Alexandre Desilets. Mm-hmm, on s'en va entendre donc Sebastian Granger. Voici Some People Are Ghosts Too Soon. 89 FM, c'est fou. C'est fou. On en fume du bon ici. Non, c'est pas vrai. Pas en tout. Stay in school, don't do drugs. Ah oui. Un petit peu de salami. Mm-hmm. Turning into life through the darkness, I Sebastian Granger, Some People Are Ghosts Too Soon. Position numéro 11 anglophone, ça descend de la 6e place. Et on a sauté par-dessus la 11e place francophone. C'était Comme des rames de Clopelgag. C'est ici qu'on termine cette portion des palmarès. C'est fou, on se retrouve pour la portion top 10 dans quelques instants. Donc ne partez pas, il reste deux tiers d'émission. Oui, ça, c'est dans le guide alimentaire canadien. C'est combien de portions de palmarès par jour, donc? Ben, ça dépend. Au si moins trois. Par semaine, il y en a comme 9, je pense. 9 okay. portions. Mais en tranche d'une heure, ça fait... oui. 9 donc... heures. OK. Donc, une par jour et plus, à peu près. Minimum. C'est ça. Mais surtout la fin de semaine, je trouve. On dirait. C'est pas mal tout, pas mal compressé dans la fin de semaine. Allez, restez là, on revient dans deux minutes. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est quoi dans tes oreilles? Hey, je pense à ça, là. Polémique, là. Polémique, là. Mettons, t'aurais des enfants, des jumeaux. T'es appelles Paul, puis Mick, Michael, tu sais. Polémique, t'es appelles Polémique. Ça fait une émission de radio qui s'appelle Polémique, tu sais. Polémique! Polémique! C'est pas pire. Controverse, polémique. Donc, c'est toujours des palmarès assez fous pour la semaine du 10 au 16 mars 2014. C'est la portion top 10 et elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Merci beaucoup. On va commencer avec les 10e places, mais plus tard, il y aura aussi un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Ah! Oui, très bon moment. Et c'était fou, sans bien aussi. On va reculer dans le passé un petit peu, mais avant ça, donc les 10e places en anglophone, Royal Canoe et Hold On to the Metal qui descend de 6 places. Mais on commence côté francophone avec Ta langue sarde, on a créé un monstre. Ah ben, je t'insère ça. Ouh, déjà, ma langue sarde? Nulle part, dans le lecteur CD, man. T'as un peu pris des chocs, mais là. Nouveau défi à notre version de Fort Boyard. Yeah. to focus close on the air above your nose. Let the watercolors bleed down the aisle of sandy feet. And out across the sugar cane, through the mountain's swelling veins. All the earth is coming free, it's a river running to the sea. Behind you, get inside of what's inside you. Flatbed, you wake up on a rooster shit, sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a conversation with the devil in his eyes. Won't you sip on the flatbed, you wake up on a rooster shit, sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a revelation, we're never gonna die. What's behind you? Get inside of what's inside you. Pull into the metal, collide with the underside you. Be afraid of what's behind you. Get inside of what's inside you. Ah, ça, c'est mon groupe préféré en ce moment. J'adore Royal Canoe et Hold On To The Metal, qui descend de 6 places en 10e anglo. Et on a commencé le bloc avec On A Créé Un Monstre et Ta Langue Sale. Toujours pas mal assez fou. Tantôt, ce sera un instant classique, les meilleurs moments d'assemblage requis, mettant en vedette J.P. Charbs, toi, Steph Purs et Matt P. Je sais pas, j'essaye. C'est quoi? La semaine passée, on a trouvé nos noms espagnols, tu te rappelles? Oui. C'était Mateo De Planta. Estefania Paradiso. Parazio. Et Juan Felipe Charbonneau. On n'a pas vraiment vérifié pour Charbonneau. C'est Charbonneau, tiens, avec un tilde dessus. Donc, on se trouve nos petits surnoms cute, le genre raccourci, tu sais, super anglophone, genre, you know, T-Bone, tu sais, genre full rapper, you know, style. OK, là, c'est nos noms de rapper qu'il faut trouver aujourd'hui. Je trouve que ce serait pertinent. Okay, moi, je pense que J.P. Charbs, c'est parfait. Ouais. Oh oui, ça, c'est clair. Vraiment. Charbs, juste pour les intimes, Charbs. Charbs. Ouais, c'est parfait, ça. Toi, Stéphanie Paradis, je sais pas trop, là, Spars. Spars. Non, je pense qu'on va y revenir. OK, on y pense, on y revient tantôt. Ouais. Avec les instants classiques aussi. Mais avant ça, on est rendu en 9e place du côté anglo, c'est Statue Park. Et leur ancien numéro 2, c'est 1983. Et c'est stable. Du côté francophone, c'est Brody Days de Mange l'ours mange. Ah, celle-là, on l'aime beaucoup, tellement que ça a fait la publicité. Tu sais, quand tu te rends jusqu'à la publicité des Palmarès, c'est fou! C'est pas hot. C'est t'as réussi ta carrière. Bravo, là. T'es au sommet. Ouf! des édifices par des marshals empilés. Refaire la jeunesse, tout révolutionner. Choisir Adam et Ève de ce rêve éveillé. L'élu comme géniteur, Mr. Frost. Didn't stand to fight and share. to start shipping to make sure we'd stay in the running. We hired a flock of bandit chairs when the deadline came. We'd be ready to start shipping. Statue Park et 1983, lancé numéro 2, maintenant en 9e place anglophone. Et du côté francophone, c'était Brody Days, de Mange l'ours mange. Avant de passer à un instant classique, j'ai envie de faire un petit quelque chose de spécial avec toi qu'on fait pas souvent et on n'a pas de chanson thème pour, mais c'est comprenons la, dans la chanson, tu sais, où on explique les paroles d'une chanson. Là. Ben ouais. C'est bien le fun de faire ça. Et les deux pièces qu'on vient d'entendre, étrangement, je suis allé voir avant même l'émission, par curiosité totale, les paroles. OK. T'sais, donc, on va commencer par Brody Days, de Mange l'ours mange. Quand même, c'est un délire éveillé qui revisite la genèse et met en avant-plan nul autre que Ace Frehley de Kiss, qui incarne Adam, géniteur d'une race nouvelle, et Brody Dale, des Distillers et des Spinnerets, qui se fait Eve et porte entre ses entrailles l'armée de la délinquance. Ces personnages évoluent dans un décor chaotique où l'anarchie détrône les institutions qui gèrent l'économie de la planète. Donc ils disent « N'importe quoi, vous dites hein? ?» La chute du système économique tel qu'on le connaît est inévitable, tout ne tient qu'à un fil, voilà. Donc, purger la planète, là on débute les paroles, purger la planète de tout marché boursier, troquer les édifices par des marshals empilés, refaire la genèse, tout révolutionner, choisir Adam et Ève de ce rêve éveillé. L'élu comme géniteur, M. Frehley, icône qui excelle de par le manche, et c'est par les entrailles de Brody Dale que naîtrait l'armée de la délinquance. De ce distillade, l'anarchie régnerait à flot dans les aqueducs, les mateux couleraient. Je connais pas ce que ça veut dire. Mais... les mateux. C'est pas toi, ça? Ça doit être moi, ça, c'est mon autre nom. Donc, OK, quand même intéressant comme histoire. Regardons celle de Statue Park et 1983. C'est celle qui me passionnait le plus. Les paroles vont comme suit. Je vais vous les traduire un petit peu à la volée. Nous avons démarré une compagnie dans le premier quart de 1983. On voulait rendre les gens heureux et bien sûr faire un petit peu d'argent. On commençait à se soucier du fait que la programmation 8-bit ne pourrait pas être complétée à temps pour la rencontre des actionnaires. Attendez-nous et un jour ce sera prêt. C'est wait for us, soon it will be ready, c'est le refrain. For fourth quarter entry, maybe. Donc on sera prêt pour le quatrième quart de l'année, peut-être. Nous avons pas lu les analyses de marché, la viabilité de notre nouvelle compagnie dans une industrie de jeux vidéo déjà saturée. Nous n'avions aucune chance d'éviter la banqueroute, donc la faillite. Attendez-nous, on se reprend bientôt, peut-être dans le quatrième quart. Quand les commandes ont commencé à entrer, à arriver, on a engagé plus de programmeurs de jeux vidéo. Quand la deadline est arrivée, donc la date limite officielle, la date dite, nous serons prêts à envoyer le produit. Pour s'assurer de rester à flot, on a engagé plein de managers, des gérants. Quand la deadline est arrivée, on était prêts à commencer à envoyer nos jeux. L'industrie a crashé le dernier jour de 1983. On a dû déclarer qu'on n'était pas solvable, c'est bien ce qu'on dit. On a dû virer tout le monde et bientôt, on sera prêt à démarrer une autre compagnie. Ce sont les paroles. Mais c'est donc bien spécial. Oui, ça parle de jeux vidéo. Mais c'est un peu bizarre là, comme histoire. Là. Vraiment, mais ça fait une chanson super accrocheuse. Vraiment. J'adore ça. C'est sur l'album The Cities We Planned, The Cities We Made de Statue Park. Donc voilà pour ce bloc de position. On était rendu donc au 9e. Tout à l'heure, les 8e, David Marin et Rebecca Higgs. Mais avant ça, Stéphanie Purdy. Oui, Mathieu Plante. Qu'est-ce que t'as me pointé? Mais je sais pas, ça met de l'action. Ça met l'action dans la place, tout à fait. Des actions comme les actionnaires, des gens qui attendaient le jeu vidéo de Statue Park. Quoi. Exactement. C'est ce qui nous amène à un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 mars 2014. David Giguère.

contredit. Je prie pour qu'il me laisse partir plus tôt. C'est fou. 89 ans. Rebecca Higgs monte de 12 places en 8e position anglo. La pièce s'appelle Loneliness. Et du côté francophone, c'est sa 6e semaine. C'est à l'abri du tempo de David Marin. Alors, on est déjà rendu aux 7e places. C'est du côté francophone et du côté... les deux en même temps, là, ça va faire, hein? Ouais, gang de suiveux de moutons, poêle frisée. Poêle frisée, bon. Ça descend, les deux numéro 1 descendent en même temps, aux mêmes places en 7e. C'est ridicule. Je comprends pas. J'ai jamais vu. Moi, je trouve qu'il y a un complot derrière ça. C'est sûr que c'est une controverse. Une Paul et Mick, ça revient à la blague de tantôt. Paul et Mick, les deux frères jumeaux. C'est eux autres qui sont en arrière de ça. Ça doit être ça. Donc, du côté anglo, on va retrouver, bien sûr, The Royal Week, qui était numéro 1 la semaine passée, avec Siren Song. Et du côté francophone, c'est sa 5e semaine. C'est Squelette de bois de Jacques Maure. Oh, pas mal, c'est fou. thought we were just a vision from the past. You heard the singing, you heard your voice. You had no power, oh, you had no choice. Lancé numéro 1, Siren Song de The Royal We, c'est maintenant la 7e anglo. Et du côté francophone, c'était Squelette de bois de Jacques Maure, qui était aussi lancé numéro 1. C'est vrai. Es-tu prête à retourner dans le passé un petit peu? Ben ouais, j'aimerais ça voir de quoi t'avais l'air plus jeune. Ah non, tu veux pas voir ça, les mais... Les cheveux trop longs. Non, non. Moi, il y a encore des photos de ça, apparemment, sur Facebook. Mais bon, garde ton doigt bien enfoncé sur le bouton Rewind, parce que voici C'était fou. Cette fois-ci, on retourne à la semaine du 11 au 17 mars 2005. Que c'était fou pour la semaine du 11 au 17 mars 2005. On a commencé avec les numéros 1 en francophone de Steels et Retour à Vega. C'était un single et d'ailleurs, c'était le numéro 1 de l'année 2005 en francophone. C'était le numéro 1 pendant 10 semaines entre décembre 2004 et mars 2005. Un énorme succès. Ensuite, du côté anglophone, le numéro 1, c'était Rammstein et America sur l'album Heise Heise. Pas pire. Ça, je connaissais ça, par exemple. Ben oui, un très bon classique. Du côté des pièces bonus, en fait, de la pièce bonus, c'était Bleu avec l'air informatique, une pièce que j'aimais beaucoup dans ce temps-là. Ailleurs, dans cette même semaine du 11 au 17 mars 2005, il y avait Malajube, il y avait les Ghouls, Télémac, Louis XIV, sinon The Waking Eyes, Kings of Leon et Cassidian. DJ Champion était là aussi. Avec la pièce No Heaven, qui après ça a eu une carrière ailleurs. La pièce No Heaven a été utilisée comme chanson thème d'une autre station de radio. Ah. C'est tout pour C'était Fou. On fait ça chaque semaine dans les palmarès C'est Fou. Et ça va être la fin de cette portion top 10. Top 10, c'est bien ça. Il nous reste le top 5 dans quelques instants. On saute par-dessus les portions numéro 6. Du côté anglophone, ce serait Yamantaka, Sonic Titan et Whale Song. Et du côté francophone, on saute par-dessus Metropolis de Monogrenade. On vient après la pause avec, entre autres, les numéros 1 et ailleurs dans les palmarès sur C'est Fou. On va bien chanter pour vous. La la la la la la. Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Toujours les palmarès, c'est fou pour la semaine du 10 au 16 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Dans cette troisième heure, cette portion top 5 des palmarès, c'est fou, on va voir ailleurs dans les palmarès. Que oui. Ailleurs dans les palmarès, c'est comme un avant-goût. Ailleurs dans les palmarès, c'est comme si je l'ai dit de loin. Non, mais une fois, c'est assez. Là. Ouais, en c'est fait, ça. Deux, c'est assez. Ouais, je sais pas si on va se tanner dans le faire deux fois par émission. On pourrait m'en donner le faire juste une fois, mais bon. On aime tellement ça chanter. On a des talents cachés, insoupçonnés. Ouais. Ou plus un soupçon. Il y a personne qui soupçonne qu'on pourrait avoir du talent un jour. C'est s'y méprendre. On a tous l'air d'une bande d'incompétents. Et donc, numéro 5, du côté anglophone, ça monte de la 12e. C'est Pagan Day de Pai Pai. Juste bas, du côté francophone, ça monte de la 20e. Une nouvelle entrée la semaine dernière. Bien entendu, c'est la pornographie de David Giger. C'est pas un combat. Il n'y a pas de concours. Oui. OK. En tout cas, tu gagnes cette fois-là. C'est un 2-3, c'est ça? Check-moi bien mettre mon point. Où dans donc? Ta face. Ah, OK. C'est rassurant. Non, non, juste dans ta face. Inquiète-toi pas. Alors, on fait comment? On parle pas, on parle pour sauver du temps. Dessiner mes envies sur ton dos, accident. Et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu. Ici et grâce à toi. La dureté et le temps. Déshabiller mes peurs dans ta chambre testament. Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs de la beauté d'un langage que je ne comprends pas. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une alors c'est moi le trésor. C'est moi le trésor. Mais dis-moi comment. Comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle. Alors c'est toi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. Comment 5. Ça finit comme ça, ça finit par ping, ping, ping, ping. C'est comme le nom du groupe. À la fin, je ne sais pas si tu as entendu. Quand oui, ça fait, oui, j'ai entendu. Ça fait, non, t'es sûr que tu as entendu? C'est puis, je trouvais que c'était comme. Ping, ping. Marche pas par doute, hein? Et, ce serait fun, pacander. Le jour de la pacane, moi. Où tu jumelles l'artiste, puis le titre va vraiment. Pecan pie. Oui. Tarte au pecan. Mais hein? Je veux dire qu'il n'y a rien de meilleur. Je prendrais ça n'importe pecan. N'importe pecan. N'importe pecan. C'est une blague à la JP Charbonneau. On le salue. Et tout justement, du côté francophone, c'était la pornographie de David Giguère qui a monté de 15 places. Une autre référence à Jean-Philippe Charbonneau. On le salue. Pornographie, c'est une blague. Ok, je savais pas si c'était Giguère ou pornographie. Ouais, c'est ça. Je suis plus sûr. Les deux s'appliquent, tu sais. Je sais pas. C'est comme, tu sais, David Jriguer. Mettons, quand il fait des blagues, c'est Jriguer. Ah, moi, j'allais dire, j'ai fait une gigue hier. Ah oui, ben oui. Pas pire, ça aussi. Je l'ai-tu déjà fait? Je sais pas, mais c'est le top 3 des blagues que JP aurait fait à ce sujet-là. Fait que c'est vraiment un dommage. J'ai étrangement eu une impression de déjà-vu. Je pense que je vais aller écouter la balado diffusion de la semaine passée. Une impression de DJP, peut-être. Déjà-vu, ça. Hey, on s'achante nos mains sur cet ami-là. Comment? Ami. Ben, collègue. Non. Donc, numéro 4 maintenant, c'est des blagues. Du côté anglophone, la quatrième place, c'est Broken Bells et Holding On For Life. Et ça monte de 8 du côté francophone. C'est 3 jours en hiver d'Auguste. Ouais. Puis Jean-Philippe, quand tu veux venir te défendre comme parti politique pendant la campagne électorale, t'as droit à ton droit de réplique. On a pris 45 secondes de jeu de mots, donc t'as droit à 45 secondes de réplique. Mais moi, je vais utiliser mon ricochet si jamais me vise et je te renvoie ça en pleine tronche. C'est pas mal, c'est fou. Blague du vent ponton, c'est hot. Oui. Trois longs jours et je m'en irai. J'écris, je compte chaque seconde. Car décembre est long, presque insupportable. Depuis que tu n'y es plus, ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai ici. Le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout. Et je pense à rien. Et je me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra, un long jour et je m'en irai loin. Cette ville malade, car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois, et quand la neige fondra, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Là-bas les lumières ne brillent que pour toi. Ah, là-bas j'en rêve depuis longtemps. rest your weary bones. Your secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Broken Bells et Holding On For Life, ça monte de la 11e à la 4e position anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, c'était Auguste et 3 jours en hiver. Déjà les 3e places du côté anglophone, Mode Moderne et She Untamed qui montent de 6. Et du côté francophone, ça monte de 7, c'est sa 6e semaine, c'est le Roi Soleil de Mordicus. Et on n'a rien dit de pertinent, hein? Juste des noms de chansons, juste... Mais non, c'est le contrat, c'est quand on se met à parler plus. Ah, j'avoue, vu de même, hein, le verre moitié plein, moitié vide, tu sais. Ouais. C'est pas mal assez fou. Un million de questions restent sans réponse. Dans l'irrationnel, la vérité personnelle. Alors je crois en moi. Pour savoir qui il est, je regarde le sol. Vous êtes dans la zone 89.1. Trois. On avait tellement de fun qu'on a oublié de revenir. Alors, on vient d'entendre Malmaner, Nishi, Untamed qui monte de 6 places en 3e position anglophone. Et du côté francophone, ça montait de 7, le Roi Soleil de Mordicus. Et là, on est vraiment à fret, là, parce qu'on n'avait pas prévu revenir là dans les 3 secondes qui s'en venaient. Donc, est-ce que tu es prête à chanter? Est-ce que tu as fait tes entraînements vocaux? Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès où on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, hein, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 des musiques du monde. Que dirais-tu, Mathieu, qu'on commence avec le top 30 des albums? On a deux nouvelles entrées. En 19e place, on a Piff Paff Hangover avec l'album Curry Love. On a dit que c'est rendu Biff Baff Lendemain de Veille. Ou Gueule de bois, peut-être? Ouais. Ça fait plus québécois. Ensuite, on passe directement en 16e avec Pine Tar et son album Wolves Name the Moon. Ensuite, les trois premières positions. En 3e place, ça monte d'un. C'est Mode Moderne avec Occult Delight. En 2e, une belle montée de 18 pour Gramercy Riffs avec Desire Trails. Et finalement, en 1e place, ça monte de 17. C'est Joe Ben et The New Religion Project. Ensuite, au top 3 des disques canadiens. En 3e place, ça monte... de 9, c'est Pagan Day avec l'album Pai Pai. Bravo. En 2e place, ça monte de 2, Mode Moderne avec Occult Delight. Et finalement, en première place, une belle montée de 19 pour Gramercy Riffs et Desire Trails. Dans le top 10 loud, une seule nouvelle entrée, c'est la 9e place. Hark, c'est l'album Crystalline. Ensuite, dans le top 3, 3e position, The Devin Townsend Project et The Retinal Circus sont en 3e. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Behemoth avec The Sadness. Et en première, ça monte d'une place, Monty Pittman et The Power of Three. Dans le top 5 des musiques du monde, une nouvelle entrée, c'est une pièce de Angélique Kidjo qu'on connaît pour sa pièce Bonbons Étoiles. Tu te rappelles, on avait écouté ça à un moment donné? Oui. Maintenant, elle est de retour avec Awa Lolle featuring Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Dans le top 3, l'ancien numéro 1 est en 3e place, Rockin' Camel, pièce de violon barbare. En 2e, ça monte de 2, la pièce Monsieur Piment de Montréal Guitar Trio. Et finalement, en première place, ça monte de 1, la pièce Areg Danag de Tina Riwen sur l'album Emmar. Voilà. On a choisi, évidemment, comme toujours, une pièce à écouter dans le bloc ailleurs dans le palmarès. Et comme on le fait fréquemment, juste pour pouvoir faire une petite remarque ou une plug pour l'émission de David Ferron, Brancher le monde, on s'en va entendre le nouvel extrait en 5e place du palmarès Musique du Monde. Voici Angélique Kidjo et la pièce Hawalole, Hawalole, Hawalole. C'est juste Hawalole. On l'écoute. C'est ça. Avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg dans Ailleurs dans les palmarès. Au palmarès, c'est fou. C'est mon jeu préféré, ça, dans les pièces, dans des langues étrangères, de trouver des mots dedans, tu sais. Ah, oh, mais c'est juste ça que je faisais. Ballonné, Hawaii, balloon. J'ai entendu poney, moi. Ouais. Awimboe, Awimboe, Awimboe. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ouh! Ah, ben non, mais ça, c'est pas notre thème, parce que notre thème, tu sais ce que c'est, notre thème? Tu le sais, là? Oui! Tu sais. Parce que ça, c'était... Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, à Wimboé, à Wimboé! Ah oui, mouais, ah oui, mouais. Ah, ok, j'ai fini. C'était Angélique Kidjo et Awalolé, featuring l'orchestre philharmonique du Luxembourg dans le bloc ailleurs de palmarès. C'est une nouvelle entrée en cinquième place du palmarès de musique du monde. On vous rappelle d'écouter Ah oui, brancher le monde, ah oui, brancher le monde. Les dimanches de 17h à 19h avec David Perron. Ouais. Pas su mon Ferron. Mon Perron. Mon Ferron. Ouais. Et ça va pas très très haut aujourd'hui, le calibre. Donc, on fera une autre fois ailleurs dans les palmarès. C'est toutes les semaines dans les palmarès. C'est fou. On va revenir à nos deux top 20, franco et anglo. T'es prête? Oui, c'est une bonne idée. Je pense que ça s'enlignait mal. Là. Vraiment, ça ne faisait que descendre. Du côté anglophone, la deuxième place, c'est Gramercy Riffs et Desire Trails qui montent de 5 places. Et du côté francophone, ça monte de 3. C'est sa troisième semaine. C'est Chacun son arc-en-ciel de Midi Cayenne Club. Chacun son arc-en-ciel. Chacun sa folie de miel, sa couleur imaginaire. Chacun son mirage miraculaire. Faut se le dire pour le savoir quand il fait froid, que la nuit est noire, quand il se met à pleuvoir. Comme vache qui pisse, chacun sa lune, chacun sa gloire, chacun son complice. Quand tout est triste, chacun son esquisse, chacun son esquisse. Chacun sa trêve, ha, ha, ha, ha. Quand l'évidence craintive crève les yeux du dernier rêve, chacun son sourire, chacun sa sûreté. Chacun sa crève, quand l'impossible dort encore, quand dehors le jour se lève. Thank you. in a while. Cut through the line, straight through desire. Not much your record on. Go, go on. Gramercy Riff, c'est Desire Trails, ça monte de 5, c'est la deuxième position du côté anglophone. Et on a commencé le bloc du côté francophone avec Chacun son arc-en-ciel de Midi Cayenne Club. En effet, et ça nous amène au numéro 1 de cette semaine. Si vous avez écouté tantôt le top 30 des albums et le top 3 des disques canadiens, non pas le top 3 des disques canadiens, juste le top 30, il y avait quelqu'un au sommet, et des fois, c'est un bon indice. Des fois, mais pas tout le temps. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est l'est? Je sais pas. Parce que pour le savoir, avant ça, un peu comme qui dirait le père Sifoura, vous l'avez entendu probablement, le père Sifoura, qui pose des énigmes assez fous aux animateurs d'Assemblage requis. Il m'a l'air sympathique. Il a l'air sympathique. On ne l'imitera pas parce qu'évidemment, il est tellement haut dans la qualité, tu sais, qu'on n'essaiera pas de l'imiter. Je vais juste poser des énigmes à Stéphanie. Stéphanie va devoir deviner, évidemment, qui est le numéro un de chaque côté. Hein, OK. T'sais. Donc, mon premier, évidemment, attends. Oulala! Oulala! Faut quand même le... Oulala! T'es même pas bon. Non, je sais vraiment pas. Toi, t'es pas mal meilleur que moi, mais bon. Donc, mon premier est odorant. D'accord, est odorant. Odorant. Tes fesses. Non. Mais j'essaie, là. Peut-être pourrais-tu aller plus haut sur mon corps? Pas de trop près. C'est plus haut. Mettons plus bas que mes cheveux et plus haut que mon cou. Tes oreilles? Tes oreilles. Non, Caroline, c'est ma bouche. Ma bouche, ça pue. Ça pue quand tu parles. Ah. Tu comprends? OK. Mon deuxième est un grand-père. Hein? Un grand-père accompagné d'un instrument de musique. Un grand-père accompagné d'un instrument de musique? Ouais. Normal Amour. Non, pas normal. Non, pas du tout. Pas, non. Même pas proche, en fait. Patrick Normand? T'as le premier. T'as le début. Tu l'as, c'est ça, exactement. C'est Pépé, c'est guitare. Oui, t'as raison, c'est un album engagé. Du côté anglophone, mon premier te laisse embarquer un peu comme Allo Stop ou un taxi ferait. Donc, tu te fais embarquer. Hein? Tu te fais embarquer. C'est mon premier. Tu te fais embarquer dans une piscine, dans une barboteuse. Non. Dans une voiture. Dans une voiture, voilà. Take a ride. Voilà. Mon deuxième a un emploi. C'est comme le salon de l'emploi. Un emploi, une carrière. Non. Un emploi. Un emploi, un mot classique en anglais même. Un travail. Un travail, une carrière. Un passe-temps. Un passe-temps. Payé. Oui. Du bénévolat. C'est un emploi à temps plein, mettons. C'est un... Une job-in, tu l'as, c'est job-in, bravo. Voilà le numéro 1, c'est super simple. Du côté francophone, Pépé sa guitare et s'appuie. Du côté anglophone, job-in et take a ride. Bravo Stéphanie, tu l'as eu. L'indice et la clé et tout le reste appartiennent. Ça veut dire que j'ai gagné les palmarès, c'est fou? Oui, juste à toi, je m'en vais. C'est fini, bye. Okay. Ah, c'est mal. Le numéro 1 tout de suite, pour palmarès, c'est fou. Mais bravo. Ben, c'est la clé vers... C'est la clé vers rien et un indice qui mène nulle part. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles.

des positions numéro 1 de chaque côté. On vient d'entendre en anglophone Joe Budden et Take a Ride qui montent de 4 places en première anglophone. Alors que ça pue du côté francophone avec Pépé et sa guitare. Ça pue! Joe Budden, Take a Ride, je sais pas, tu sais, je trouvais qu'il y avait un accent. J'ai regardé sur la pochette, là-dedans, dans l'équipe, il y a Julie Crépin, Florence Gonnet, Géraldine Arsenault, Renuel Lolbon, tout plein de noms français, là. On dirait la prochaine team à Fort Boyard. On dirait vraiment. Il y a aussi Terry Jad Noon. Ça se prononce peut-être pas demain. Peut-être que ça se prononce non, mais... Malgré que... aux États-Unis, tu peux avoir Dick. Dick, exactement. Pas bien mieux. Mais imagine les Français écrivent tout en majuscule les noms de famille. Ça fait que Terry Jad, nouhouhou! C'est comme si tu le criais d'en face. Je veux pas qu'on me crie nous d'en face. Bon. ça va faire sur ces blagues de mauvais goût. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 15h et 18h. Après nous, c'est un livre ouvert, émission de littérature. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez là pour Raconte-moi ta ville, les branches et le monde à partir de 16h. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Voilà. Je pense qu'un livre ouvert nous suit, ça peut monter un petit peu la coche intellectuelle. À peine, tu sais. À peine, hein? Nous, on l'a descendu vers le milieu, entre les deux chambres. On se quitte sur une pièce qu'on a sautée tout à l'heure, c'est-à-dire « Je l'ai promis à Jimmy Hunt », c'est la position numéro 16 du côté francophone. Et c'est 16 du côté francophone, j'étais du côté anglophone, hein? C'était pas Marie les Bleus. Marie les Bleus, c'est ça. Ouais, non, c'est pas vrai du tout. On annule ça, on recommence. Ah, c'était tombé une fête bouette, ouais, c'est ça. Ça. Avec des jeux de monde, non, on recommence. On y va avec la dernière pièce du côté francophone. C'est la 12e, et je vais la dire, Alexandre Desilets Perle Rap. Bye. Ça prendrait ton petit son de Rewind. Rewind, ça, c'est sur Vine, le réseau social, la vidéo de 6 secondes, quand tu Rewind. Hein, oh, c'est je t'en ai, ferme ça. Salut, Terry Jad Noon. Aucune place. Radar allumé dans la nuit blanche qui balaye les fonds. Pour un bout de liberté, ma perle rare, tu cours après le plan. Et toujours au nom de l'amour, tu es à te laisser couler, emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. On te promet le monde, mais tu vaux mieux que ça.